Le comité pour le souvenir du président Kim Il-sung sont constitués respectivement au Conseil des vétérans russes de la guerre de Corée et à Helsinki, Finlande. Ils ont décidé d'organiser les cérémonies politico-culturelles pour exalter la vie révolutionnaire et les exploits immortels du grand leader à l'occasion du 8 juillet. Par ailleurs, le comité cambodgien pour le souvenir de son excellence, le généralissime Kim Il-sung, vient d'être constitué.